Voici maintenant les cinq extraits que j'ai retenus pour vous dans ce siècle de Louis XIV. Le premier est dans le chapitre 10, il concerne la conquête de la Hollande et le passage du Rhin. Louis XIV vient de déclencher par surprise la campagne de Hollande avec 130 000 soldats face à Guillaume d'Orange, gouverneur de Hollande, qui en avait 25 000.